Le tarot divinatoire, une fenêtre vers l'invisible. Le tarot divinatoire est un art ancien et mystique qui offre un aperçu fascinant dans les mystères de l'existence humaine. Utilisé depuis des siècles pour obtenir des réponses et des conseils, le tarot est bien plus qu'un simple jeu de cartes. Il est souvent perçu comme une porte ouverte vers l'invisible, capable de révéler des vérités cachées et de guider les individus sur leur chemin spirituel. Origines et histoire du tarot divinatoire. Les origines exactes du tarot restent empreintes de mystère. Certaines sources suggèrent que les premières cartes de tarot remontent à l'Égypte ancienne ou à l'Inde, tandis que d'autres lient leur apparition à la Renaissance italienne au XIXe siècle. Quelle que soit son origine, le tarot est devenu populaire en Europe au fil du temps, principalement en tant que jeu de cartes à jouer. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que le tarot a commencé à être utilisé à des fins divinatoires, mettant l'accent sur la signification symbolique et spirituelle des cartes plutôt que sur le simple jeu de hasard. Structure du tarot divinatoire. Le tarot divinatoire se compose de deux ensembles de cartes, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les arcanes majeures sont au nombre de 22 et représentent des archétypes puissants tels que le fou, l'impératrice, l'empereur et le monde. Ces cartes sont considérées comme les fondements spirituels du tarot et décrivent des aspects fondamentaux de l'existence humaine. D'autre part, les arcanes mineures se composent de 56 cartes, divisées en 4 costumes, les coupes, les épées, les bâtons et les deniers, ou pentacles. Chaque costume représente un domaine de la vie, comme les émotions, les pensées, la créativité et la matérialité. Comment fonctionne le tarot divinatoire ? L'utilisation du tarot divinatoire nécessite un interprète, souvent appelé taromancien, qui possède une compréhension profonde des symboles et des significations des cartes. Le processus de lecture commence par un mélange méticuleux des cartes pour favoriser l'émergence de l'inconscient et de l'intuition. Une fois que le mélange est terminé, le taromancien dispose les cartes face cachée dans un motif spécifique, appelé tirage. Il existe de nombreux types de tirages, allant du simple tirage à une seule carte à des tirages complexes en forme de croix ou de cercle. Lorsque le tirage est effectué, le taromancien retourne les cartes une par une et les interprète en fonction de leur position dans le tirage, des relations entre les cartes et de leur symbolisme individuel. Le tarot est un langage symbolique riche qui permet de donner des conseils, d'identifier des défis et d'explorer les opportunités futures. Le tarot divinatoire et la spiritualité. Pour de nombreuses personnes, le tarot divinatoire va au-delà de la simple divination. Il est considéré comme un outil puissant pour la croissance personnelle et spirituelle. En se connectant aux archétypes et aux symboles des cartes, les individus peuvent explorer leur subconscient, découvrir des aspects cachés d'eux-mêmes et obtenir des conseils spirituels pour leur voyage intérieur. Le tarot peut également être utilisé comme un outil méditatif pour la contemplation et la réflexion. Il permet de stimuler l'intuition et de favoriser la prise de décisions éclairées. Éthique et responsabilité dans l'utilisation du tarot divinatoire. Il est essentiel de reconnaître que le tarot divinatoire n'est pas une forme de magie ou de pouvoir surhumain. Les cartes ne détiennent pas de pouvoir intrinsèque pour prédire l'avenir, mais elles agissent plutôt comme un miroir reflétant les aspects cachés de l'individu qui cherche des réponses. Les taromanciens doivent faire preuve de prudence et d'éthique dans leur pratique. Il est important de respecter la confidentialité des consultations et de ne pas manipuler les cartes pour obtenir des réponses biaisées. Le tarot divinatoire devrait être utilisé comme un moyen d'exploration personnelle et non comme une source de contrôle ou de manipulation sur autrui. Conclusion. Le tarot divinatoire est bien plus qu'un simple jeu de cartes. C'est une fenêtre vers l'invisible, un moyen de comprendre notre essence profonde, de découvrir des vérités cachées et de nous guider sur notre chemin spirituel. En nous connectant aux symboles et aux archétypes, le tarot nous permet de plonger dans notre propre sagesse intérieure et d'explorer les mystères de l'existence humaine. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le tarot divinatoire est un outil, et comme tout outil, son utilisation dépend de la responsabilité et de l'éthique du praticien. En l'abordant avec respect et discernement, le tarot peut devenir un allié puissant pour notre croissance personnelle et notre voyage spirituel. Page 42. Nous allons voir les étapes de base pour utiliser le tarot divinatoire, page 42.